Little boy, how we looking? Chacha. Tu l'as baisé, t'es devenu papa. Devenu papa. Comme ton papa, t'es devenu bâtard. Devenu bâtard. Elle a changé, elle est devenue pitain. Continue. De base, la gosse était une fille. You bongo bullet. You bongo bullet. You bongo bullet. You bongo bullet. You bongo bullet.